Mon vieux Balthazar, qu'est-ce que tu en dis? En voilà du nouveau à Castellet. Ah, mais ta vie... Ma foi, écoute, Rose ne voulait pas que je t'en parle avant que tout fût terminé. Mais tant pis. Entre nous deux, il ne peut pas y avoir de mystère. Dis, berger... Puis, tu comprends, dans une grosse affaire comme celle-là, je n'étais pas fâché de prendre un peu la vie de mon ancien. Dis, berger, qu'est-ce qui lui a fait, le loup, à la chèvre de Monsieur Seguin? Laisse, mon innocent, laisse-le. Balthazar va te finir ton histoire tout à l'heure. Tiens, tiens, joue avec les clés. Là. Positivement, vieux, qu'est-ce que tu penses de ce mariage? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense, mon pauvre Français? D'abord, que c'est ton idée et celle de ta bru. C'est aussi la mienne, par force. Pourquoi par force? Quand les maîtres jouent du violon, les serviteurs dansent. Eh, tu ne me parais pas bien en train de danser. Voyons, voyons, qu'est-ce qu'il y a? L'affaire ne te convient pas, non? Eh bien, non, là. Et la raison? Eh, j'en ai plusieurs raisons. D'abord, je trouve que votre Frédéric est bien jeune et que vous êtes trop pressé de l'établir. Mais saint homme, c'est lui qui est pressé, ce n'est pas nous. Puisque je te dis qu'il en est fou de son Arlésienne. Depuis 3 mois qu'ils vont ensemble, il ne dort plus, il ne mange plus. Ah, sûrement qu'une fille du pays aurait bien mieux fait l'affaire. Ah, là le malheur. De notre temps, c'était le père qui disait « je veux ». Aujourd'hui... ce sont les enfants. Tu as dressé le tien à la nouvelle mode. Nous verrons si ça te réussira. Et c'est vrai qu'on a toujours fait ses volontés à ce petit-là. Et peut-être un peu plus que de raison. Mais à qui la faute? Puis que veux-tu? Quand on n'en a qu'un, on est toujours plus faible. Et nous, c'est autant dire que nous n'avons que celui-là, puisque son frère est innocent. Grand-père! Vois tes clés comme elles sont luisantes. 14 ans, la chandeleur. Si ce n'est pas pour faire pitié. Oui, oui, oui, mon mignon, oui. La connaissez-vous bien, au moins, cette fille d'Arles? Savez-vous tout au juste qui vous prenez? Oh, pour ça? Ah, c'est que prends garde. Dans ces grandes coquines de ville, ce n'est pas comme chez nous. Chez nous, tout le monde se connaît, on est trop large, on se voit venir de loin. Tandis que là-bas... Sois tranquille, j'ai pris mes précautions. Nous avons Arles, le frère de Rose. Ah oui, le patron Marc. Tout juste, avant de faire la demande, je lui ai envoyé par écrit le nom de la demoiselle et je l'ai chargé d'aller au renseignement. Tu sais s'il a l'œil ouvert, celui-là? Eh bien, grand-père, il muscade. Oui, mais j'y suis. J'y suis, Rose. Donne vite les clés, mon mignon. Oui, c'est ce grand Balthazar qui n'en finit plus avec ses histoires. Comment, le berger est là, lui aussi? Les moutons se gardent tout seuls, maintenant. Les moutons ne sortent pas, maîtresse. Les tondeurs sont arrivés ce matin. Déjà? Eh oui, nous voici au 1er mai. Avant 15 jours, je serai dans la montagne. Il pourrait se faire tout de même que son départ fût retardé cette année. Pas vrai, Rose? Voulez-vous qu'il y ait un bouteille, bavard, et allez à votre muscat tout de suite. Nos gens seront là, vous n'aurez seulement pas tiré une bouteille. On y va, on y va. Tu gardes l'enfant, Balthazar? Oui, oui. Allez, maîtresse. Pauvre innocent. Je voudrais bien savoir qui s'en occupe quand je ne suis pas là. Ils n'ont tous des yeux que pour l'autre. Dis-moi donc ce qu'il lui a fait, le loup, à la chèvre de Monsieur Seguin. Tiens, c'est vrai. Nous n'avons pas fini notre histoire. Voyons, où en étions-nous? Nous en étions à... Et alors? Diable, diable. Il y en a beaucoup des... Et alors, dans notre histoire. Voyons un peu. Et alors... j'y suis. Et alors, la petite chèvre entendit... un bruit de feuilles derrière elle. Et dans le noir, en se retournant, elle vit deux oreilles toutes droites avec deux yeux qui reluisaient. C'était le loup. Oh. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas, tu comprends. C'est leur planète au loup de manger les petites chèvres. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. « Ah ah! la petite chèvre de Monsieur Seguin. » Et il passait sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. La petite chèvre aussi savait bien que le loup la mangerait, mais ça ne l'empêcha pas de se défendre comme une brave chèvre de Monsieur Seguin qu'elle était. Elle se battit toute la nuit, mon enfant. Oui, toute la nuit. Et puis, le petit jour blanc arriva. Un coq chanta en bas, dans la plaine. Enfin, dit la petite chèvre qui n'attendait que le jour pour mourir. Et elle s'allongea par terre dans sa belle pelure blanche, toute tachée de sang. Alors le loup se jeta sur elle et il la mangea. Elle aura aussi bien fait de se laisser manger tout de suite, n'est-ce pas? Tout de même, c'est innocent, comme il prend bien le fil des choses. Je vous maintiens, père Balthazar. T'es vivette! D'où sors-tu donc, petite, que te voilà chargée comme une abeille? J'arrive de Saint-Louis par le bateau du Rhône. Ils vont tous bien ici, et notre innocent. Bonjour. Mais, ça, c'est la chèvre. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, une belle histoire que nous sommes en train de raconter. La chèvre de Monsieur Seguin, qui s'est battue toute la nuit avec le loup. Et puis au matin, le loup l'a mangée. Oh, elle est nouvelle, celle-là, je ne la connais pas. Oui, je l'ai faite l'été dernier. La nuit, dans la montagne, quand je suis seul à veiller mon troupeau à la lumière des planètes, je m'amuse à lui fabriquer des histoires pour l'hiver. Oh, il n'y a que cela qui l'égaye un peu. Ouh, ça c'est le loup. Quel dommage. Est-ce qu'il ne guérira jamais? Ils disent tous que non, mais c'est pas mon avis. Depuis quelque temps surtout, il me semble qu'il y a quelque chose dans sa petite cervelle qui remue comme dans le cocon du ver à soie quand le papillon veut sortir. Il s'éveille, cet enfant-là. Je suis sûr qu'il s'éveille. Ce serait un grand bonheur si une pareille chose arrivait. J'ai faim, moi. Ah, ma foi, pour la gourmandise, je ne crois plus qu'aux trois quarts éveillés. Voyez-moi, Spino. Il a tout de suite fait régaler quelque chose pour lui là-dedans. Tiens, une belle galette à l'anis que la grand-maman Renaud a fait exprès pour son innocent. Elle va bien, la Renaud, petite? Pas trop mal, père, pour son grand âge. Et tu en as toujours bien soin, au moins? Oh, vous pensez? Une pauvre femme qui n'a que moi. J'ai faim. Donne-moi la galette. Non, pas maintenant. Si, si, je veux, ou bien je dirai à Frédéric. Qu'est-ce que tu diras à Frédéric? Je lui dirai la fois que tu as embrassé son portrait là-haut, dans la grande chambre. Tiens. Non, vous ne le croyez pas, au moins, père Balthazar. Quand je vous dis qu'il s'éveille, cet enfant-là. Personne encore? Si, maîtresse, voilà du monde. Bonjour, marraine. Ah, c'est toi. Mais qu'est-ce qui t'amène? Mais marraine, je viens pour les verras, pas comme tous les ans. Ah, oh, c'est vrai, j'y pensais plus. Puis ce matin, je sais pas où j'ai la tête. Balthazar, regarde donc un peu sur la route si tu ne vois rien. Bon. Vous attendez quelqu'un, marraine? Mais oui, l'aîné est parti voilà 2 heures avec la carriole pour aller au-devant de son oncle. Personne. Oh, mon Dieu. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Que voulez-vous qu'il lui arrive? Les routes sont dures, mais Frédéric les a faites tant de fois. Oh, c'est pas ça. Seulement, j'ai peur que le patron Marc ait apporté de mauvaises nouvelles, que les gens de là-bas ne soient pas ce qu'on voudrait. Quels gens? C'est que je le connais, moi, cet enfant. S'il fallait que ce mariage manquât, maintenant qu'il se l'est mis dans l'idée de son cœur. Frédéric va se marier? Miséricorde! L'innocent là-haut! Veux-tu descendre? Maudit enfant! N'ayez pas peur, maîtresse! Je suis là! Oh, ce grenier, ça me fait frémir quand je le vois ouvert. Tu penses ainsi, on tombait de là-haut sur ces dalles. Vous disiez, marraine, que Frédéric va se marier? Oui. Oh, comme tu es pâle, tu as eu peur, toi aussi. Et avec qui se marie-t-il? Avec une fille d'Arles. Ils se sont trouvés ici un dimanche qu'on a fait courir les bœufs et depuis, il n'a plus songé qu'à elle. Elles sont bien belles, on dit, les filles, dans ce pays-là. Oui, mais bien coquettes aussi. Enfin, que veux-tu? Les hommes aiment mieux ça. Et alors, c'est une chose tout à fait décidée? Ah non, pas tout à fait. Non, les enfants sont d'accord entre eux, mais la demande n'est pas encore faite. Alors, tout dépend de ce que va nous dire le patron Marc. Aussi, il fallait le voir, Frédéric, tout à l'heure. Les mains lui tremblaient en attelant. Ah, je l'aime tant, mon Frédéric. Songe, petite, c'est bien plus qu'un enfant. Pour moi, à mesure qu'il devient homme, je retrouve son père en lui. Ce mari que j'ai tant aimé, que j'ai perdu si vite. Mon fils me l'a presque rendu en grandissant. Et puis, je ne sais pas, tu sais, il y a tant de choses entre nous. Nos deux cœurs battent si bien ensemble. Tiens, tâte le mien, comme il bat vite. Si on ne dirait pas que j'ai 20 ans, moi aussi, et que c'est mon mariage qu'on est en train de décider. Ma mère! Ah, le voilà, mon petit. Ma mère, tout va bien. Embrasse-moi. Oh, que je suis heureux. Et ton oncle, notre cher patron Marc. Il est là, il descend de voiture. Oh, le pauvre homme. Je l'ai mené si vite, il a les reins rompus. Oh, méchant garçon. Ah, tu comprends, je languissais d'apporter la bonne nouvelle. Embrasse-moi encore. Tu l'aimes donc bien, ton Arlésienne? Ah, oh, si je l'aime. Plus que moi. Oh, ma mère. Embrasse-moi. Allez, viens chercher mon oncle. Chalon. Frédéric ne m'a même pas regardé. Qu'est-ce que tu as, petite Vivette? Moi? Oh, rien. Rien, c'est la chaleur, c'est le bateau. Oh, mon Dieu, mon Dieu! Ah, bonheur de l'un, chagrin pour l'autre. Ça, c'est la vie. Vive le patron Marc! Vive le patron Marc! D'abord et d'une, il n'y a plus de patron Marc. Je suis de cette année capitaine au cabotage, avec certificat, diplôme et tout le tremblement. Ainsi donc, Frédéric, si ça t'écorche pas trop la langue, appelle-moi capitaine. Et mène ta carriole un peu plus en douceur. Oui, capitaine. Ah, la bonne heure. Bonjour, Barose. Bonjour, Romain. Eh, oui, le vieux père planète. Salut, salut, marinier. Comment, marinier, puisqu'on te dit... Eh ben, quelle nouvelle. Ah, la nouvelle, maître français, c'est qu'il va falloir endosser votre belle jaquette à fleurs. Et vous en allez en ville bien vite faire votre demande. Ah. On vous attend. Ah, alors, c'est du bon. Tout ce qu'il y a de meilleur, vous savez, vous pouvez vous fier à moi. Hein. Le père, la mère, la fille, c'est de l'or en barre. D'abord, moi, je ne bouge pas d'ici que l'annonce soit faite. J'ai mis le bateau dans la belle Arsène au radeau pour 15 jours. Et pendant qu'on accordera les violons, j'irai dire deux mots aux bécassines. Et pam, pam. Dis donc, Rose, il doit avoir grand soif, notre patron Marc. Je comprends. Et dis, oh, 2 heures de tangage au soleil dans cette satanée carriole. Eh bien, entrons. C'est justement une barricade de muscat. Ah, fameux le muscat du Castellet. Oh, Frédéric, arrive ici. Nous allons boire ton amoureux. Ah, pauvre petite Vivette. La voilà en deuil pour toute sa vie. Aimer sans rien dire et souffrir. Ce sera sa planète à elle, comme à sa grand-mère. Tiens, que me veux-tu, toi? C'est bien Castellet ici, berger. Bah, ça m'en a l'air. Est-ce que le maître est là? Oui, ils sont à table. Appelez-le. Tiens, c'est drôle. Français! Français! Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien à voir. Il y en a un homme qui veut te parler. Hein? Un homme? Et pourquoi n'entre-t-il pas? Mais vous avez donc peur que le toit vous tombe sur la tête, l'ami? Ce que j'ai à vous dire est pour vous seul, maître français. Mais pourquoi tremblez-vous? Mais parlez, je vous écoute. On dit que votre petit-fils va se marier avec une fille d'Arles. Est-ce vrai, maître? C'est la vérité, mon garçon. Alors écoutez-moi. Oui. Vous allez donner votre enfant une coquine, qui est ma maîtresse depuis 2 ans. Les parents savent tout et me l'avaient promise. Mais depuis que votre fils la recherche, ni eux ni la belle ne veulent plus de moi. Je croyais pourtant qu'après ça, elle ne pouvait pas être la femme d'un autre. Ah, voilà une chose terrible, mais... Mais enfin, qui êtes-vous? Je m'appelle Mitifio, je garde les chevaux là-bas, dans les marais de Pharaman. Vos bergers me connaissent bien. Est-ce bien sûr, au moins, ce que vous me dites là? Prenez garde, jeune homme, hein? Quelquefois la passion, la colère... Ce que j'avance, je le prouve. Quand nous ne pouvions pas nous voir, elle m'écrivait. Depuis, elle a repris ses lettres. Mais j'en ai sauvé 2. Les voilà. Son écriture... Et signé d'elle. Juste ciel. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Grand-père! Grand-père! C'est lâche, n'est-ce pas, ce que je fais? Mais cette femme est à moi. Et je veux la garder mienne, n'importe par quel moyen. Ah, soyez tranquille. Ah, ce n'est pas nous qui vous l'enlèverons. Mais pouvez-vous me laisser ces lettres? Non, certes. C'est tout ce qui me reste d'elle. Et c'est par là que je la tiens. J'en aurais bien besoin, pourtant. L'enfant a le cœur fier, rien que de lire ça. C'était fait pour le guérir. Eh bien, soit, maître. Gardez-les. J'ai foi dans votre parole. Balthazar me connaît. Il me les rapportera. Et c'est promis. Adieu. Dites donc, camarade, la route est longue d'ici Pharamond. Voulez-vous prendre un verre de muscat ? Non, merci. J'ai plus de chagrin que de soif. Tu as entendu, Balthazar ? Oui. La femme est comme la toile. Il ne fait pas bon la choisir à la chandelle. Mais venez donc, grand-père ! Nous allons voir sans vous ! Comment lui dire ça, seigneur ? Allons du courage, vieux ! Allons, grand-père ! À l'Arlésienne ! Non ! Non, mon enfant, non ! Jette ton verre, ce vin t'empoisonnerait ! Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que cette femme est la dernière de toutes, et que par respect pour ta mère, son nom ne doit plus être prononcé ici. Tiens, lis. Oh ! C'est vrai, ça ? C'est vrai, ça ? Oh ! Pauvre petit.